Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'était à la fin de l'année 1948 qu'avec Alexandra Struc, Pierre Caste, Jacques de Nieuwelcroos, Jean-Charles Takela et Claude Mauriac, André Bazin avait fondé le ciné-club Objectif 49 avec pour parrain Jean Cocteau, René Clément et Roger Lénart. C'était à ce titre qu'il était invité sur les ondes de la RDF à présenter le bilan de l'Assemblée Générale Annuelle de la Fédération Française des Ciné-Clubs, alors en pleine expansion partout en France. Il était aussi invité à présenter le festival du film Maudit qui allait bientôt se tenir à Biarritz à l'initiative d'Objectif 49. Un festival resté depuis dans l'histoire de la cinéphilie qui, avant même son ouverture, suscitait beaucoup de curiosité. Ciné-Club, André Bazin, à propos des ciné-clubs et du festival du film Maudit, une émission diffusée la première fois le 21 juillet 1949 sur les ondes de la RDF. Ce sont deux importantes manifestations qui ont trait à la vie du cinéma français que je voudrais vous signaler aujourd'hui. D'une part, l'Assemblée Générale Annuelle de la Fédération Française des Ciné-Clubs et d'autre part, le festival assez original et qui tient pour la première fois cette année ses assises, le festival du film Maudit, organisé par Objectif 49 sous la présidence de Jean Cocteau à Biarritz. Je voudrais demander à André Bazin, qui est dans l'un et l'autre cas intéressé, puisque c'est un animateur de ciné-club d'une part, et qu'il est pour beaucoup dans la fondation d'Objectif 49, dont nous allons parler tout à l'heure, je voudrais demander à André Bazin de nous dire d'abord un mot sur les travaux du congrès de la Fédération française des ciné-clubs qui s'est déroulé sous la présidence de Jean Painlevé. Bien, le terme de congrès n'est pas absolument parler le terme propre. C'était l'Assemblée générale annuelle des ciné-clubs qui se tient régulièrement à Paris, qui avait lieu cette année du 15 au 17 juillet. Comme chaque année, il faut bien le dire, car c'est vrai, les ciné-clubs ont constaté un progrès flagrant et sensible. Je crois que l'an dernier, je m'excuse, il faudrait que je vérifie les chiffres, mais je crois que l'an dernier, l'ordre du nombre des adhérents était de 180 à 200 000. Cette année, il approche les 300 000 pour la France. De même, le nombre des clubs fondés en France, qui était l'an dernier autour de 180, va être cette année de 250 à 300. Oui, c'en est pas une progression très sensible. Donc le mouvement des ciné-clubs est en progrès, certains en France. Il n'est pas d'ailleurs seulement en France, il est aussi à l'étranger, mais il est incontestable que c'est la France qui, d'une part, dans ce domaine, a donné l'exemple le plus vigoureux et qui tient la tête du mouvement des ciné-clubs dans le monde. Ce congrès était donc très optimiste à certains points de vue. On a constaté un maintien de l'intérêt pour les ciné-clubs. Ceci est très important car on craignait, et je me souviens fort bien, il y a 2 ans, on disait ça marche maintenant, mais il va y avoir une rechute, il y a un engouement, un snobisme qui se crée au départ, mais est-ce que ça va tenir? Il faut reconnaître en effet que l'engouement et le snobisme y étaient pour quelque chose. Et de fait, de nombreux clubs de province qui sont partis avec des chiffres d'adhérents, mettons, avoisinant 1500 ou 1000 ont vu leurs chiffres retomber après un an de fonctionnement ou 2 ans à 500 ou 600. Mais compte tenu de cette retombée qui est normale, qui est une épuration en quelque sorte fatale, compte tenu même de cela, le mouvement est en progrès. C'est ceci qui est important, c'est que déjà maintenant, on a passé le point de la courbe le plus bas, n'est-ce pas, pour chaque club. Et dans l'ensemble, il progresse quand même. Que dirais-je? Oui, je disais donc que c'était une perspective très optimiste, mais que cependant, le congrès a examiné avec la plus grande attention certains facteurs, sinon d'échecs, au moins de difficultés certaines. Par exemple, le coût des films, la location des films a sensiblement monté, pratiquement doublé. Et les clubs ne peuvent pas vivre si leur frais de revient est trop élevé. Il y a là à cela deux solutions, où on augmente le nombre des adhérents, mais ce n'est pas possible pour tous les clubs, ou bien on diminue le prix de revient, et ceci ne peut guère se faire dans bien des cas qu'en 16 mm, qu'en passant de l'exploitation en format standard de 35 mm au format réduit de 16 mm, qui réduit d'une part énormément les frais de location de copie, et d'autre part surtout les frais de location de salle et l'exploitation. La fédération est donc décidée à faire un gros effort dans l'avenir sur le 16 mm. Je crois que c'est la seule solution, car en effet, on peut considérer en France que le seuil d'exploitation possible d'un ciné-club est environ de 300 à 400 adhérents suivant les cas. Or, il y a bien des petites villes ou même des grandes villes où l'ambiance est comme cela, où il n'y a de recrutement possible dans l'état actuel pour un club que de 200 ou 150 adhérents. Il est très dommage que le club ne puisse pas vivre, même sur ses bases modestes. Et il pourra vivre en 16 mm. Plutôt qu'en 35. Plutôt qu'en 35. Alors donc là, c'est une voie de recherche et de travail qui n'est pas commode d'ailleurs à définir, mais que la fédération s'est mis à son ordre du jour. D'autre part, comme difficulté, il y a également les perspectives assez pénibles des finances qui ont fait au début de cette année, tous ceux qui s'occupent de ciné-clubs le savent, une offensive assez grave en assimilant les ciné-clubs, assez paradoxalement, aux clubs alimentaires, en voulant en particulier pallier au non-paiement des impôts de certains clubs de Saint-Germain-des-Prés, et le ministre des Finances a purement et simplement assimilé les clubs de cinéma et aux clubs où on servait des boissons. Le résultat, c'est qu'il faudrait que les clubs payent un impôt, une taxe assez importante qui approche de celle du cinéma commercial. Dans ces conditions, étant donné le prix de l'augmentation du prix des copies d'autre part, il est évident que si cela était, ce serait un coup très dur pour les ciné-clubs et peut-être mortel pour la plupart d'entre eux. La Fédération des ciné-clubs et la Direction des mouvements de jeunesse et de culture populaire au ministère de l'Éducation nationale se sont employés très activement à faire admettre un statut légal des ciné-clubs qui enfin consacrerait le caractère purement éducatif des clubs. Ce statut légal est en bonne voie, on peut espérer qu'il sera voté à la rentrée parlementaire, et il reste que sous sa forme actuelle, il n'est pas certain que les clubs soient détaxés de façon totale, mais enfin, on espère quand même y arriver. Et quand ce statut légal sera voté, je crois que le mouvement des ciné-clubs repartira sur des bases moins précaires juridiquement qu'à l'heure actuelle. Bien, mon cher Bazin, voulez-vous, très rapidement, pour conclure, lever un coin du voile sur ce festival du film maudit dont on attend beaucoup et qui est une des premières manifestations, je crois, d'Objectif 49 sur le plan de l'organisation des festivals? En effet, le festival du film maudit, le mot est assez joli, il recouvre une réalité plus subtile qu'il ne semble le dire, n'est-ce pas? Nous attendons par film maudit, évidemment, les films qui ont un intérêt esthétique, mais qui sont maudits soit par le public qui ne l'a pas compris tout de suite leur valeur, soit par les producteurs qui ont tout fait pour empêcher que ces films se fassent. Et c'est à ces genres de films-là que nous voulons redonner une gloire, si je puis dire, une consécration que les festivals normaux ne peuvent guère leur donner, car, ceci dit, sans dire de mal des festivals normaux, contre lesquels nous ne nous dresserons pas le moins du monde, il reste que le choix des films y est fait tout de même par les nations, à l'échelle gouvernementale, tout au moins à l'échelle des syndicats de producteurs, et que les films qu'on y présente sont des films dont on attend quelque chose sur le plan de l'exploitation ensuite. Tandis que nous avons fait notre choix en toute indépendance et selon des critères purement intellectuels et artistiques. Et aussi, suivant la ligne de critique de Objectif 49, qui veut essayer de définir et de défendre une avant-garde moderne, c'est-à-dire une avant-garde qui n'est pas celle de 1925, qui nous paraît avoir été tout à fait utile, mais maintenant périmée, et une avant-garde qui est vraiment ce qui fait avancer le cinéma à l'heure actuelle. Il peut se trouver d'ailleurs que cette avant-garde soit dans des films qui est un grand succès, il peut se trouver qu'il soit dans des films qui n'en est aucun. Et c'est cela que voulons essayer de mettre en valeur. Voulez-vous nous donner quelques titres ? Eh bien, j'ai ici là une liste de films américains dont d'ailleurs il est imprudent de dire qu'ils sont maudits car ils n'ont pas encore été présentés en France et il est fort possible qu'ils aient finalement le plus grand succès. Aussi bien notre critère n'a-t-il pas été ici le succès mais un caractère insolite, extraordinaire qui nous paraît être en avant-garde. Nous avons par exemple le Deuil si bien à Electre d'après la pièce de Eugène O'Neill. Nous avons Red the Pink Horse, nous avons L'Homme du Sud de Jean Renoir, qui est encore le seul film américain de Renoir qui n'a pas été présenté en France et qui est le meilleur, paraît-il. Ossessionné de Visconti, qui est un film maudit tout à fait pour un tas de raisons. Nous avons 1860 de Blasetti, et nous espérons avoir d'ailleurs le film hindou présenté presque impromptu à Knokke-Lozout. Kalpana, c'est un film assez extraordinaire et dont les conditions de production sont assez insolites pour nous inciter à le présenter. Il y aura une partie du congrès, du festival consacrée à des courts-métrages d'avant-garde, en particulier aux dessins animés de McLaren, de Whitney, etc., qui me paraissent être ce qu'il y a de plus intéressant dans les recherches cinématographiques actuelles en marge du cinéma du commerce. C'était Ciné-Club, André Bazin à propos des Ciné-Clubs et du Festival du film maudit, une émission diffusée la première fois le 21 juillet 1949 sur les ondes de la RDF. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.